Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'abat, bienvenue dans le secret du son de bar, Monsieur Melon. Salut Grigoula. À la technique ce soir, en l'absence de David, c'est Mathias. Merci beaucoup Mathias de nous aider dans cette dure épreuve qui est le passage de cette année 2013 où les disques arrivent à l'appel et les bons sons sont terribles. On commence tout de suite par le tant attendu quatrième album de PC Jeans avec qui s'appelle Onaze. Il sort sur Sub Pop. J'aimerais tant les voir en concert. J'aimerais tant qu'enfin qu'ils aient la même reconnaissance que leurs collègues d'écurie Metz, qu'ils aient la même reconnaissance en France, par exemple, qu'ils enchaînent les dates et tout ça. On verra, le futur nous le dira. En tout cas, on écoute tout de suite PC Jeans avec le morceau Romanticize Me. So you wanna tell me that I'm lazy, but I'm really just a laid back man. So you're trying to find where the spark was. Well, I'll get around to that when I can. Take all my faults and twist them in your head till I look like a sweet and thoughtful man. So you're waiting, wondering when I wake up. When it comes to sleeping, I'm a talented man. You wish I'd whisper that I love you. Just imagine it's there in everything I am. Take all my faults and twist them in your head till I look like a sweet and thoughtful man. C'était PC Jeans dans le secret du son d'abat avec Romanticize Me, tiré de l'album Onaze qui vient de sortir en ce début d'année 2013. Vraiment un excellent album, une fois de plus, c'est leur quatrième, troisième album sur Sub Pop. Que dire, bah voilà, que l'influence de Black Flag a jamais été aussi, à mon humble avis, prédominante sur les compos. On a une première partie d'album beaucoup plus lourde, dense. Alors certains parlent de Melvins, mais finalement, j'aurais écouté mes vieux albums de Black Flag, mais ils l'avaient déjà fait, les gars de Los Angeles. Et bien avant qu'en fait Henry Rollins rejoigne Black Flag, en tout cas, et rappelez que Black Flag se reforme en cette belle année 2013 sous deux forme de combo. Que de promesses. Oh, que de promesses. En tout cas, il est préférable d'écouter PC Jeans et en espérant de les voir vraiment de cet excellent album, quatrième album, chaudement recommandé. Tout le monde en parle, mais il est vrai que c'est de la balle. On poursuit avec des petits nouveaux. Bah, presque. Trench Peace. Trench Peace, les anciens détartrages de Cuvier, souviens-toi. Oui, c'est les deux premières répées. Ils savaient pas trop. Ils savaient pas trop et puis ils ont hésité et puis voilà. On avait fait des propositions et puis bon, Trench Peace quoi. Voilà, Trench Peace c'est un quart de chouchou, un quart de Café Flèche. Ex Café Flèche. Eh ouais, ils ont encore trois concerts donc on parlera d'eux au passé quand ils auront fini leur concert. Mais voilà, et donc Tom Odelin, pour pas le nommer, au chant. Voilà, donc Transfuge de Café Flèche, et puis un quart de Disorder. Disorder, obscur groupe métal de Nantes, du Sud-Loire. Et un gars qui pour pas dire que c'est des Vendéens. Ouais, bah non, bah, ils vont pas surtout tout, pas. et un gars qui vient encore plus loin dans le sud de la France, on sait même pas d'où là, qui joue aussi dans d'autres groupes top secret. Voilà, ils forment Trench Peace, nouveau combo star de Nantes. Ils viennent de sortir une petite démo. Voilà, ça pose les bases de vraiment quelque chose qui est au cœur du meilleur. Ou du pire, on verra. En tout cas, on est sur des bases connues. Voilà, on est sur des bases connues. Et qu'on aime. C'est-à-dire une noise rock assez qui pue, hein, qui n'est pas du tout joviale, qui est plutôt lourde, qui est plutôt lancinante, comme on l'aime. Voilà, on écoute. Ça baigne dans la piste de tranchée, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on va écouter Come in the Flesh, mais vraiment, il n'y a rien de tel. Et il y aura quelques dates. Carrément. J'ai bouffé les dates, mais il y aura notamment. Nantes, ouais, Tours. Il y aura notamment le 11 mai. Au Stakhanov à Nantes, on sera peut-être d'ailleurs là. Avec Pylone et One Nickless, ça ce sera vraiment une date à pas louper. Grosse puis les copains de Cafioul les feront aussi, Poitiers les accueilleront aussi. Et donc ne les loupez pas parce que ils méritent les petits gars. Trench Peace dans le secret du son d'abat. l'instant Cortez avec le morceau Idyll tiré de leur album Phoebus, sorti donc en ce début 2013. C'est leur morceau émo, on va dire. Le seul du disque ? Non. Non, non, c'est un album émo. Non, je rigole. Vraiment un album très réussi. Ça fait 8 longues années qu'ils n'avaient pas vraiment donné signe depuis l'excellent initial. Ce trio suisse guitare-batterie-chant avait vraiment marqué le début des années 2000 par cette formule et puis ce son si particulier. Ce nouvel album, évidemment, est enregistré dans la boutique de Serge Moratel, qu'on présente plus, à Genève. Des gars extra, en tout cas c'est Cortez, ils avaient participé au split avec Playband Grandstand qu'on avait déjà diffusé dans l'émission. Et vraiment, cet album tient toutes ses promesses. Il est vraiment, vraiment sinueux. Il faut du temps un petit peu pour le capter, etc. Il est en même temps un peu à contre-courant finalement de ce qui peut se faire actuellement en tout ce qui est hardcore, metal hardcore, hardcore chaotique, etc. Et les respirations qui incorporent la musique de Cortez. En tout cas, vraiment, c'est un très très chouette album. C'est encore sorti sur Sunwinner Records, qui, à l'instar de Music for Satan, est en train de marquer vraiment la scène post-hardcore, hardcore, enfin tout ce qu'on veut. Depuis quelques mois, en tout ouais, cas. Depuis deux, trois bonnes années. On n'en loupe pas beaucoup, j'allais dire, de leur sortie. Bah non, mais on aimerait, en tout cas, je veux dire, ça me gênerait pas si. Voilà, mais la cam, elle est trop bonne, quoi. Donc on y va à fond. Cet album de Cortez est vraiment délicieux. C'est un double vinyle et CD. Et on peut que vous le conseiller. On reste à Rennes. On reste à Rennes avec les amis, le quintet de Trunks, emmené par Daniel Pabeuf, Laetitia Sheriff et consorts, pour parler de la tournée pardon, qui se joue. Grosse tournée. Hein. Ouais, c'est une belle tournée là, d'une dizaine de jours. J'ai pas les dates sous les yeux, mais qui démarrait donc ce mercredi 20 février. Et puis qui va se clore. En partie, alors pour l'un des groupes, ça va se poursuivre, je crois, pendant un bout de temps, mais pour l'autre, ça va, je sais pas s'ils jouent. Pas toujours ensemble. Voilà. On parle de. Parce qu'il y a Trunks qui joue avec les Néancéens de Filia Mozza. Voilà. Qui sortent donc c'est vrai que Filia Mozza a une tournée qui va durer tout le printemps. Trunks, c'est moins évident, je crois ils que. Sont plus chargés, voilà, au-delà de la date lorientaise. Du 1er mars, vendredi 1er mars, au café concert Le Galion sur le port de. Secret du son d'Anna sera là. Voilà, on fera un petit featuring discret mais efficace. Voilà, donc en tout cas, la tournée de Trunks, voilà, s'étalera sur 10 jours, celle de Filia Mozza sur un peu plus longtemps. En tout cas, voilà, on parle bien de cette sortie commune sur un format 10 pouces. Pour les disques de plomb qui sont habitués des splits EP, comme on dit dans le jargon, entre groupes de qualité et néanmoins français. Et de bon goût. Et de bon goût. Après, des gens comme Zéro, Marvin, Binaire, Nicolas Dick de Kill the Thrill. Voilà, c'est au tour donc de Trunks, les Rennais et Filia Mozza, les Nancéens. On va s'écouter Pieces of Everywhere, le second morceau de la face de Trunks. J'aurais eu envie de passer tout le EP tellement l'ensemble est vraiment de qualité. Trunks vraiment en pleine pente ascendante, je trouve que c'est de mieux en mieux, de plus en plus fin, de mieux en mieux aiguisé. Ça, voilà, ça prend plus aux tripes, ça prend plus à la gorge, et en même temps, il y a toujours ce savoir-faire mélodique, cette voix envoûtante de Laetitia. Et ce morceau Pieces of Everywhere qu'on connaissait en format live et que moi j'adorais et que je suis ravi de retrouver sur gravure. Donc voilà, on va se l'écouter tout en vous recommandant l'acquisition de l'ensemble du EP qu'on peut écouter par ailleurs sur le Bandcamp ouais. du label, peut-être bien. En tout cas, c'est facile de se le procurer, enfin de l'écouter en streaming ou même de l'acheter en format digital. Voilà, tout est bon, les morceaux de Filia Mozza notamment. Avec une participation d'un quatuor, je crois, l'archipel nocturne là sur un morceau qu'on croirait enregistré pour Constellation ou par un groupe de Constellation du type Godspeed par exemple, avec ses mêmes envolées, ses mêmes capacités de faire monter la sauce. Et puis un second morceau avec la participation de GW Sock de XZX, c'est pas facile à dire. Voilà, donc tout est bon, mais on retient en particulier ce superbe track dans la veine des Blue Dot et autres Quiet Cat, les ballades douces, amères, je vais y arriver, de Trunks dans Le Secret du Son d'Abba. Ice from Machine. The skin girls by maid love and sin eyes from machine on the skin girls by believe. Reisiger, dans le secret du son d'abat. Emo, quand tu nous tiens. Eh ben Emo, voilà, exactement, quand tu nous tiens. Grand retour de Reisiger. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ronchonnent, évidemment, avec ce retour de Reisiger et qui disent... même j'ai entendu dire que ça ressemblait à Placebo. C'est juste incroyable ce qu'on entend et ce qu'on lit. Et Reisiger, voilà, groupe belge des années 90 qui avait marqué la fin des années 90, plutôt, avec plusieurs albums, plusieurs EP, vraiment hyper classieux. Carrément. Entre en effet l'esprit emo hardcore et la pop, déjà ils étaient très très influencés par sur My Pilot, etc., Pinbag, dont ils sont fans, et voilà, ils avaient un mélange très particulier, une identité sonore vraiment assez géniale qu'on retrouvera ensuite dans Jai Dawn, etc. Et vraiment, pour les avoir vus en concert, c'est vraiment génial. Ça groove mais à mort, ils ont un son de fou. Et ces Belges flamands reviennent avec un EP sorti sur un petit label français qui s'appelle Red Plain Records, basé dans le nord de la France. Ils ont aussi une sortie européenne. Ils vont commencer un tournée un petit peu en Europe. Et voilà, c'est avec. Je suis plutôt très content de ce EP qui finalement ne révolutionne pas la musique. Ils l'alourdissent un tout petit peu. Voilà, mais les mélodies, c'est bien les mêmes. Les ambiances, on est bien sur quelque chose de proche. Pas de nostalgie malgré tout, on est vraiment sur quelque chose qui essaye d'avancer. Et vraiment, je suis vraiment un EP qui met en bouche, en tout cas en espérant qu'il y ait une suite. Il y a quand même 7 nouvelles chansons. C'est cool. Reisiger dans le secret du son des basses. Carrément, on se fait un petit détour par l'électro, après un début plutôt d'émission plutôt électrique, avec la guitare. Avec voilà, il y avait beaucoup de guitare, et maintenant place à la TB-303 et à tous les artifices qui l'accompagnent, avec le duo de Chicago Gatekeeper. Et le morceau qui clôt l'album EXO, morceau qui s'appelle Encarta, qu'on va s'écouter tout de suite. Ça sort chez Hippos in the Tanks. He Poses in Tanks, c'est sorti à la mi-2012. Moi j'étais persuadé que c'était plutôt 2011. Ça avait été chroniqué assez tôt, je crois, dans Noise Magazine, qui ne l'avait pas loupé. Hein, Pour le coup, ils étaient dessus, et c'est tant mieux, parce que c'est vrai que c'est un très bon disque. Là encore, si la feuille promo parle de IMAX Fantasy et de Drippy Acid Ecosystem. Et autre Cerebral Spectacle. On n'en est pas là. On est dans un disque qui s'inscrit avec classe et brio dans la longue lignée qui démarre avec la Metal Dance du début des années 80, qui se poursuit avec le BM, puis avec l'électro-hardcore, l'électro-indus du milieu des années 80, enfin du début du milieu des années 90, et puis voilà, l'électro-hardcore, le breakcore de ces dernières années, voilà, qui a livré bon nombre de projets savoureux qu'on ne loupe pas souvent d'ailleurs dans le secret du son d'abat. Je pense récemment à Oyars ou à Marching Dynamics. Excellent, pour ne parler que de cela. Voilà, ça s'inscrit dans cette école là avec un son qui est effectivement très très cinématographique, ou en tout cas très spatialisé. Je dirais, fluide et froid. Voilà, c'est le son de Gatekeeper. Vraiment, voilà, c'est. Et il y a ce côté le fil conducteur, il est justement entortillé, puisqu'il est fondé sur ces lignes de basse acidifiées que produit la TB-303, qui est vraiment présente quasiment de bout en bout de ce disque. Voilà, peut-être un poil trop léché, je sais pas. En tout cas, il y a ces rythmiques pneumatiques qui se trouvent toujours présents. à savoir que ces deux garçons, Aaron David Ross et Matthew Arkell, ils sont aussi bien fondus de travaux graphiques et sont des vidéastes, donc je crois qu'ils accompagnent si ce n'est leur album, en tout cas il y a certainement des choses à voir sur le web de leur réalisation qui accompagnent ou non leur création musicale. C'est leur, a priori, c'est leur premier album après un EP, si j'ai bien compris, mais je peux me tromper. Donc on va s'écouter Encarta, donc sur l'album Exo, c'est Gatekeeper dans le secret du son là-bas. Et oui, ça se termine brutalement, on en redemande, en tout cas pour qui aime cette techno d'obédience industrielle et clairement et lancinante. Et catchy. Et en même temps ultra catchy, c'est BMB, autrement dit les British Murder Boys. Qui sont les British Murder Boys ? Eh bien, c'est deux garçons qu'on connaît bien, mais qui n'avaient pas travaillé ensemble depuis 2005, figure-toi mon cher Grigoula. C'est Carl O'Connor, qu'on connaît sous le pseudo Regis, qu'on a souvent diffusé ici, qui participe à plein de projets intéressants avec Sandwell District, avec Ugandan Methods, et dont les nombreux side projects et surtout les remixes sont très prisés, et quelqu'un qui est bientôt aussi couru que Justin Broderick, il doit se tirer la bourre tous les deux. O'Connor qui vit à Berlin depuis quelques temps. Tiens, c'est bizarre. Voilà, c'est très étrange. Et il doit avoir son siège attitré au Berghain, je sais pas. Un truc par là, quoi. Voilà. Et puis. Qu'est-ce qu'on boit au Berghain ? Oh, de la bière et encore de la bière. D'accord. Pour ne parler que de ce qu'on boit. C'est légal. Voilà. Et Anthony Child, qui lui réside toujours au Royaume-Uni, et je crois bien, ne pas me tromper en disant qu'il réside toujours à Birmingham. C'est Sir John qu'on a aussi diffusé dans le secret du son là-bas, qui tous les deux, voilà, c'est 15 ans de carrière dans la techno minimale et qui s'inscrit dans le mode répétitif propre à la techno originelle de Détroit, mais avec des sonorités à la fois anglaises, très influencées par leur milieu d'origine, par la froideur, je pense, des industriels et rectilignes d'une ville comme Birmingham. Et si effectivement on retrouve cet état d'esprit-là dans cette nouvelle production, cette techno radicale, je trouve qu'elle n'en finit pas de se bonifier et au côté chirurgical des débuts, Sir John, c'est bien le chirurgien en anglais, aujourd'hui moi je suis assez séduit par le côté à la fois c'est groovy mais ça plombe en même temps, la rythmique ils ont un son rythmique, enfin un son de rythmique qui est bien à eux. Moi je trouve que c'est vraiment actuel, on n'est pas dans du ressuscé, on est vraiment dans l'ambiance du moment. C'est ça, et ça catchy mais lourd. Voilà. Et puis il y a ce côté trouble aussi qui sied bien à l'ambiance du moment, là, bien d'accord avec toi. Le côté un petit peu à la fois ouaté, mais on sent qu'il y a des métaux lourds derrière. Voilà, c'est cette ambivalence-là que j'apprécie dans la musique des British Murder Boys et leur techno que je vous recommande. C'est sorti par Liberation Technologies. C'est le volume 2 de ce micro-label de techno. C'était le morceau Dead Sun. Dead Sun. Et alors, on parle du soleil qui meurt alors qu'il revient. Il revient parmi nous. D'accord. Ouais, bon là c'est les hasards du calendrier météorologique, mon cher Grigoula. Colin Sensons, alors encore autre chose avec Mats Gustafsson. Sur le papier, c'est la rencontre de deux titans du saxo. A priori, donc c'est une performance improvisée en quatre parties. Ouais, quatre thèmes. Qui s'appelle Stones That Never That. Non, c'est Stones tout court. Et le morceau 3 qu'on va s'écouter, c'est Stones That Need Not. C'est sorti par Rune Gramophone. Voilà, donc c'est pas si difficile que ça à écouter parce que généralement, quand on dit musique improvisée, il y a la moitié du public qui se barre quand même. Les amis changent de pièce quand tu dis que tu vas passer de la musique impro. Ils vont tondre la pelouse, voilà. Même des fois. C'est l'occasion qu'ils viennent. Ils étaient venus pour l'apéro et finissent à couper du bois. C'est, voilà. Non. Bref. Et puis ceux qui sont passionnés par Colin Stetson et ses motifs répétitifs qu'on a tant aimés, notamment sur les deux albums New History Warfare, qui d'ailleurs, et un troisième volume, qui arrive là. Qui arrivera cette année. Ils vont être désarçonnés. Fin d'hiver. Voilà, ils vont être désarçonnés parce qu'on retrouve assez peu d'éléments du travail de Stetson sur ses albums solo. On est plus dans une musique qui plaira aux fans de Peter Grossman et Evan Parker, pour ne citer que ces deux grands du sax. Voilà, pour ceux qui aiment la musique libre, le plaisir sonore. De son tordu, presque charnel, de ces deux saxes qui s'entremêlent avec de temps en temps des espoirs d'accalmie ou de mélodie. C'est vain. Voilà, faut pas trop y croire, en lesquels il faut pas croire trop longtemps. Voilà, en tout cas, ces quatre morceaux, dont celui qu'on va s'écouter, ont été enregistrés live au festival de Vancouver, le Vancouver Jazz Festival, en courant 2011. Voilà, donc c'est Stones That Need Not sur l'album Stones. Et c'est Colin Stetson et Mats Gustafsson dans Le Secret du son d'Ava. Thank you. his short length of the lens protruding. She then cut a small piece of flesh from her calf and ate it. At first she gagged. At first she wanted to throw up. But somehow she felt cleansed. She then proceeded to cut large areas of flesh from her thighs. She then proceeded to sew the flesh onto her skin, creating her own rabbit ears. On peut dire, mon cher Grigoula, qu'on rampait dans des boyaux bien poisseux avec cette ambiante organique signée Sutcliffe Jungen ou Sutcliffe Jungen, je ne sais pas bien. Avec leur Blue Rabbit, je ne sais pas bien comment prononcer le nom de ce projet. Alors, soit ils sont allemands et on dit Sutcliffe Jungen. Eh bien écoute, j'étais bien tenté de penser ça, sauf que ça m'a l'air d'être des Anglish, puisque ce duo en fait est emmené par notamment un des deux gars, c'est Kevin Tompkins, qui est un collaborateur sur une période assez longue d'ailleurs, du début quasiment 83 jusqu'à la fin des années 90, de White House. Donc voilà. Donc autrement dit, quelqu'un qui fait partie du milieu de ce qu'on appelle dans le jargon le power electronics, qui est donc une musique bruitiste extrême, hein. Et violente. Et violente. agressive, où le propos est vraiment d'agresser l'auditeur, d'agresser le spectateur lors des prestations live. Et du reste, autant avec White House qu'avec ce projet Sutcliffe ou Sutcliffe Jungend, Kevin Tompkins s'est employé voilà, à vraiment faire du noise assez extrême, et puis progressivement il semblerait que ça se soit calmé, en tout cas si on écoute, une approche presque contemplative, je dirais. Voilà, si on en croit ce nouvel album Blue Rabbit sur Crucial Blast, c'est sorti donc en 2012, mais a priori il y a des disques publiés depuis 1982, hein, donc autrement dit on est passé complètement à côté, comme souvent. Moi j'aime beaucoup. Il y a pas mal de manipulations de bandes, de frottées de cordes, de clapotis et staccati, de résonances diverses et variées. C'est assez cryptique. Je sais pas s'il a enregistré dans sa cuisine ou au fond de quelconque catacombe. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de bien sombre, bien noir, avec une voix comme ça sous-mixée qui susurre. Et c'est vrai que quand on l'écoute, je dirais, sur un système domestique, on fait pas forcément complètement gaffe à le côté pervers de mais ce qui si, et voilà mais en un fait peu il faut plus fort ou au casque. Il faut là, c'est vraiment une musique à écouter au casque. Moi je recommande ce mode d'écoute pour complètement s'approprier ce disque, donc Sutcliffe Jungend sur Crucial Blast et Blue Rabbit. On poursuit et on quitte l'Angleterre pour retrouver la France et Lyon avec un premier extrait d'un nouveau groupe qui s'appelle Alabaster. Un nouveau groupe, mais évidemment avec des vieux dedans. C'est la marque de fabrique hein, du secret du son là-bas. Il y a toujours des vieux en fait. Je crois qu'ils ont tous le même âge que nous, les gens qu'on diffuse. Kiruna, Overmars, Geneva, voilà la scène noise énervée post-hardcore des années 2000 lyonnaise revient avec ce projet qui doit tout à des groupes que j'adore des années 90 qui sont Dead Guy, Kiss It Goodbye, Un Peu Insane. C'est vrai qu'on en parle souvent de cela. Hein. Ah ouais. Playing Enemy pour revenir plus dans les années 2000. Ou une fois par émission. Voilà, et donc je les adore. Et là, ce groupe qui va sortir un premier 10 pouces sur Musique Fier Satan qui va sortir des grosses balles en ce printemps 2013. On écoute tout de suite un extrait de ce premier 10 pouces, premier EP qui s'appelle Truth Lies in Doubt. Ils sont un peu partout dans l'Ouest et entre autres le 1er mars à Montaigu à la Bastère avec les excellents Neige Morte, le post-black metal on va dire, vraiment hyper intéressant, et avec d'autres groupes grindcore et hardcore. C'est une soirée évidemment à nous et c'est vraiment à ne pas louper. Ils jouent tout en finesse et classe. Et Alabaster et Neige Morte aussi joueront à Poitiers, un peu partout, sauf en Bretagne. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Toutefois. Ouais, voilà. Alabaster dans le secret du son de bas. Yeah. Lunkheads dans Le Secret du Son d'Abba. La bonne bouffée de gravier, quoi. Bah ouais, c'est un petite sortie grind, voilà, après Alabaster, donc les anciens Overmars qui avaient tourné avec Playing Enemy dans les années 2000 pour une succulente soirée, Playing Enemy et Overmars au Mondo Bizarro il y a quelques années, et qui était donc du coup, bah voilà, c'est pas étonnant que les kids là fassent cette formation Alabaster, excellent. Et donc à l'instant, Blockheads avec le morceau Media Warfare tiré de leur album This World Is Dead, sorti sur Relapse 2013. Voilà, quatrième album ou cinquième, enfin voilà, c'est les vieux de la vieille, les nancéens, on les présente plus, en tout cas en France. C'est la machine de guerre grindcore française, une tuerie en concert, un grand moment de rock'n'roll, mais en même temps une grosse baffe dans la gueule. Blockheads, voilà, un album, je sais plus, doit y avoir 26 titres. On est vraiment entre 10 minutes. Hein, 28 titres, 10 minutes, non, c'est ça. Presque ça. Non, non, évidemment, il termine par un gros sludge qui dure bien 7 minutes. Vraiment un album très réussi, une fois de plus, hein, comme précédent, il n'y a pas de problème. On est vraiment entre première et deuxième époque du grindcore, entre Napalm Death et Nazum. On est vraiment... Et Brutal Truth, on est vraiment dans cet entre-deux, hein, Blockheads, avec ces petites touches un peu, je trouve, un peu de rock'n'roll et tout ça qui leur va bien. Et certains diront crust, et un peu deadbeat. Donc une vraie feeling punk rock pour Blockheads, et vraiment un album qui est vraiment très sérieux, que j'aime beaucoup et que je conseille vivement pour les amateurs de grind. Mais voilà, il n'y a pas forcément de surprise. On poursuit ? Retour ponctuel à l'électro, mon cher Grigoula. Ponctuel. Avec oui, parce qu'on terminera à nouveau par ouais. Quelques tranches de béton, béton saturé. Mais patience, d'ici là, une petite tranche à nouveau de ce que j'appelle, un petit peu pour simplifier et puis pour fuir les sous-genres, l'électro-radical. Hein, ça signifie bien ce que ça veut dire. Là on part aux États-Unis, côte ouest, où on a une scène discrète mais efficace autour d'un crew, comme ils disent là-bas, qui s'appelle Dark Matter. Dark Matter sort un certain nombre de productions depuis plusieurs années, avec un rythme, je dirais, régulier, mais on sent que c'est des finances aussi assez modestes. Voilà, c'est assez discret, mais ils sont là. Ils sont là, c'est des gens passionnés, plutôt de la scène récente des années 90, Somatic Responses. On va vraiment, ce qu'on va écouter, c'est... On pourrait presque dire pour... Presque un hommage. Un hommage, si on était mauvaise langue, on dirait un rip-off, mais on n'est pas mauvaise langue. Et puis on aime tellement ce son. Imminent Starvation aussi, ou Imminent tout court, dont ils sont des grands mordus, qu'ils ont fait venir aussi, je crois, pour une tournée qui était, en tout cas, plusieurs dates du côté de la Bay Area, ou plus exactement de Los Angeles. Je crois qu'ils étaient plutôt, ils avaient plutôt joué à Los Angeles. Imminent et des gens comme Sylphuric aussi, avec le label Reload Ambient. Voilà, c'est des fans de ce genre de musique là. Et puis finalement, tout, assez rare en tout cas aux États-Unis. J'ai un peu envie de dire que ce sont nos homologues. Alors je me situe plus en matière de production musicale, mais c'est vrai que moi je les considère un peu comme mes homologues américains, quoi. Ils sont fans aussi de tout ce qui s'est fait du côté de ce qu'on appelait la planète Rome, du côté au milieu des années 90, avec Laurie D, Marco Passarani, Leo Annibaldi, etc. Voilà, toute une scène d'une électro vraiment romaine, c'est-à-dire romaine période décadente, tu vois. Et voilà, ils sont fans de tous ces trucs-là, de mélodies jouées au SH-101, de rythmiques, voilà, concassées et froides et concassées. Ils le font très bien. Cette bande, c'est, je parle de Basic, de Nemeton, de Minion, de Discord. Et là, on va s'écouter, je sais pas si c'est pas un petit nouveau, parce que je connaissais pas trop ces productions, c'est Resurrector, avec le Disconnected EP, qui est sorti donc en format digital uniquement. C'est le Dark Matter Digital 01, 5 tracks, $5 sur le Bandcamp du monsieur. C'est Upset the Setup qu'on va s'écouter, c'est sorti en décembre 2012. Et c'est parti dans Le Secret du Son d'Abba, Resurrector. terrible ode à la maltraitance. Cogne ! C'est donc 1400 points de suture avec leur terrible fiston. Alors terrible. J'avais hésité avec le non moins terrible rue de la bite. Et puis voilà. Voilà, vraiment, et vraiment c'est, moi je connais pas vraiment, explique-nous d'où ça vient, là, ce truc. Voilà, c'est vraiment bien malsain, bien nocif, c'est à la fois roots noise, grind punk, bon c'est pas extraordinairement produit, c'est vrai que les passages un c'est peu sludge, c'est un peu crunchy. Ouais. Voilà, on sonne pas à mort, hein, on n'est pas chez les Ricains non plus, on est chez la grande triple alliance internationale de l'Est. C'est bon, c'est le pire des Lorrains qui rencontre. Il y a toujours un pire, j'ai remarqué depuis, entre Hush Kraken. Il y a toujours un pire, quoi. Je sais pas où ça va s'arrêter cette famille, mais. Qui rencontre la fange des Alsaciens, tu vois, et puis les pestiférés, alors je sais pas, de Champagne-Ardenne ou de Franche-Comté. Voilà, c'est la grande triple alliance internationale de l'Est. Que fait l'Allemagne, qui est derrière ça. Avec un casting d'enfer, hein, Cheb Samir, Noir Boy George. Alors, je sais pas si t'avais écouté son tube, Ton bébé congelé, qui est vraiment, l'hymne de l'été dernier. Il y a Osso El Roto qui est dans le coup, il y a Popor, il y a Scott Serpent, il y a Seb Normal que j'avais connu sous d'autres projets, et puis Ounas, que la dernière fois que je l'ai vu en concert, c'était dans un squat miteux de Berlin-Est, et il jouait en couche-culotte. Donc c'est tout un programme. C'est tout un programme. C'est 1400 points de suture. C'est un premier album. Alors il y a eu quelques productions. Ça devait plutôt être du CDR. Là c'est du LP. C'est du sérieux. C'est produit par Emoncus et du Tofu. Ah les gars. Cool. Label Brick commence par maman. Enfin les meilleurs des labels français. Il manque juste Inej Médopause dans le coup et tout le monde sera là. Bon. Voilà c'est 1400 points de suture. On ne saurait que trop vous les recommander. Voilà. En précisant, tiens, on parle de Mon cul est tout fou, et va bientôt venir Jessica 93 en Bretagne. Voilà, date à préciser. Mais à bientôt. Courant avril. Voilà, un peu partout. Et entre autres, on espère à Lorient. On termine cette émission avec l'excellent premier album de Primitive Man. Primitive Man, c'est des gars du Denver, de Colorado. Ils jouent du sludge. Alors on va me dire encore du sludge. Il y en a marre, Greg, du sludge. Il y en a marre, tout le monde l'a fait, nanana, tout ça. Oh là là, voilà. Eh ben oui, mais évidemment, on peut toujours en faire, mais il y a ceux qui sortent du lot. Et Primitive Man, clairement, ils sortent du lot avec leur album Scorn, vraiment. Avec un nom pareil, ça pouvait pas être mauvais. Voilà, vous avez compris la référence à l'un des artistes qu'on admire le plus, en tout cas dans Le Secret du Soda Bar. Et en tout cas, Primitive Man, ils sortent un album sludge ultra purulent. Donc, c'est-à-dire que le sludge est purulent, puis t'as le truc, t'as le kist, t'as le pu, t'as le sang, t'as le mélange du sang et le pu. Mais Primitive Man, c'est plus loin, c'est plus dégueu. Il y a un peu de croûte aussi, quoi. C'est ce mélange. Et puis, quand il y en a trop, tu vomis. Primitive Man, dans Le Secret du Son de A, on se dit à très bientôt.